Robert revient à la Sorbonne et voit Mireille. Mais un jeune homme s'approche d'elle et l'embrasse. Hubert ! Toi ici ? Ben oui, je viens la fac quelquefois. Justement, je voulais te voir. Tu sais ? Et il s'en va. Robert revient à la Sorbonne et voit Mireille. Il revient. Il revient à la Sorbonne. Et il voit Mireille. Il voit Mireille. Où revient-il ensuite ? À la Sorbonne. Qu'est-ce qu'il voit ? Mireille. Nouvelle rencontre. Robert est assis à la terrasse d'un café et Mireille passe dans la rue. Qu'est-ce que vous faites là ? Rien. Regarde les gens qui passent. Excusez-moi pour hier, mais je devais amener ma petite sœur à son tour de danse. Mais puisque vous ne faites rien, allons faire un tour au Luxembourg. Je ne suis pas pressée. Vous voulez bien ? Oui, bien sûr. Il se dirige vers le jardin du Luxembourg. Robert est assis à la terrasse d'un café. Robert est assis. Robert est assis. Robert est assis à la terrasse d'un café. Mireille passe dans la rue. Elle passe dans la rue. Je regarde les gens qui passent. Je regarde les gens qui passent. Qu'est-ce que Robert fait à la terrasse d'un café ? Il regarde les gens qui passent. Puisque vous ne faites rien, allons faire un tour au Luxembourg. Puisque vous ne faites rien. Allons faire un tour au Luxembourg. Puisque vous ne faites rien, allons faire un tour au Luxembourg. Qu'est-ce que Mireille lui propose ? D'aller faire un tour au Luxembourg ?